Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, jeu d'espions, première partie, opération Sunbeam. On les compte sur le doigt d'une main, les agents secrets qui ont influencé le cours de l'histoire. Plus rares encore sont ceux qui en sont sortis vivants. Eh bien, Oleg Gordievsky est de ceux-là. De 1974 à 1985, ce colonel du KGB a pris part à l'une des plus grandes intrigues de la guerre froide. Agent du Bloc de l'Est, il s'est mis à espionner pour le compte de l'Ouest. C'est la définition même de l'agent double. Pendant plus de 10 ans, Gordievsky va livrer au MI6, les services secrets britanniques, plusieurs milliers d'informations confidentielles sur le KGB et ses agents infiltrés en Occident. Baptisée Sunbeam, cette opération de renseignement hors norme reste aujourd'hui encore l'une des plus fascinantes et des plus déterminantes de toute l'histoire de l'espionnage. On dit même qu'elle a influencé le cours de la guerre froide. Notre invité aujourd'hui, Sergueï Jernov, ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique. Il a espionné le continent américain et la France, mais oui, avant de venir se réfugier ici au début des années 2000. Dans son livre, intitulé « Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion » paru aux éditions Corpus Delicti, Sergueï Jernov revient sur son recrutement, ses opérations clandestines et sa vie d'espion. Il le fera également avec nous. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Дорогой наш друг и товарищ Фидель Кастро, пусть вечно будет гордо реет знамя свободы и социализма над героической Кубой. Moscou, printemps 1963. Sur le parvis de la Place Rouge, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev, harangue la foule. À ses côtés sur l'estrade, un invité de marque, le Cubain Fidel Castro. Derrière les deux hommes, l'épaisse muraille de couleur ocre du Kremlin se dresse tel un rempart, symbole de la puissance du communisme. 6 mois tout juste après l'épisode de la crise des missiles de Cuba, la visite de Castro et sa poignée de main avec le numéro 1 soviétique sont à l'image du jeu de diplomatique entre Moscou et Washington. Malgré le contexte et le concept de détente, malgré l'installation d'un téléphone rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin, et malgré la signature annoncée de plusieurs traités pour limiter la course aux armements, dans la pratique, la guerre froide se poursuit. Et en coulisses, pensez donc, les services de renseignement des deux blocs sont à la manœuvre. En Union soviétique, cette mission est l'apanage du tentaculaire Comité pour la sécurité de l'État, un organisme désigné en Occident par ses trois initiales célèbres, KGB. À la fois police politique en charge de la répression de la dissidence et garde prétorienne du régime et de ses dirigeants, le KGB organise également des actions d'espionnage aux quatre coins du monde. Au début des années 60, la centrale de renseignement soviétique compte plusieurs centaines de milliers d'officiers. À cela s'ajoutent 100 000 gardes frontières, officiellement pour éviter que les intrus dangereux puissent entrer sur le territoire, je cite, officieusement, et là je ne cite pas, pour empêcher leurs propres concitoyens de fuir un régime tyrannique. Dernier chiffre, qui donne la mesure de ses ambitions, le KGB dispose d'un réseau de 12 000 agents à l'étranger. Mais au-delà des statistiques, le KGB c'est aussi et surtout une institution qui cultive le secret et la peur. Comme en témoignera plus tard avec cynisme l'un de ses chefs, Vladimir Kriouchkov, au micro des journalistes Hervé Brusini et Dominique Thiers, lorsque ces derniers comparent les effectifs du KGB avec la population d'une grande ville de France. Est-ce que le KGB, c'est Lyon ? Le KGB, c'est possible de se rendre à Lyon ? Lyon ? Vous savez, je ne crois pas qu'on puisse comparer le nombre d'habitants d'une ville et l'effectif du KGB. D'abord, nous n'avons pas d'enfants, et pas autant de vieillards et de femmes. Non, ce sont des chiffres incomparables. Non mais 500 000, ça tourne autour de 500 000. Sans forme à Lyon. Je pense qu'à Lyon, il y a beaucoup trop d'habitants. Monde clos, langage elliptique, rituel, climat perpétuel de suspicion, coups bas, héros. Le KGB recrute et forme chaque année plusieurs centaines de nouveaux éléments opérationnels, rigoureusement choisis au sein de l'élite de la société soviétique. Et parmi ceux dont le nom figure dans la liste de la promotion de l'été 63, il y a un jeune homme de 25 ans, au physique élancé, au corps athlétique, au sourire charmeur et à la fine chevelure blonde, un certain Oleg Gordievski. C'est dans le mystérieux institut de la Bannière Rouge, aussi appelé École 101, qu'Oleg Gordievski et les autres officiers stagiaires du KGB parachèvent leur formation. Ici, pendant plus d'un an et demi, Gordievski suit des cours de criminologie, de psychologie et enfin, bien sûr, de politique pour renforcer sa foi dans le marxisme-léninisme. On l'entraîne en parallèle à des activités plus physiques, telles que maîtriser un adversaire à main nue, abattre un ennemi d'un seul coup de revolver. On lui apprend également l'art de la filature. Mais l'essentiel de son entraînement doit faire de lui un caméléon, un monsieur tout le monde, capable de vivre un jour dans un pays étranger sans jamais éveiller l'attention. Solitaire, mais aussi jovial et amical quand il le faut, Oleg Gordievski est décrit par ses professeurs comme un communiste sincère, impatient d'intégrer le service actif. Il faut dire que, chez les Gordievski, travailler pour les services de renseignement est une affaire de famille. Le père, Anton, est lui-même un ancien agent de la GPU, l'ancêtre du KGB. Quant au frère aîné, Vassili, il est officier de liaison pour les espions clandestins. Comme l'expliquera d'ailleurs par la suite le major Timofeyev, à cette époque en Union soviétique, intégrer le KGB, c'est la marque d'un immense prestige. Entrer au KGB, c'est une grande chance pour un garçon de village qui, normalement, aurait pu espérer tout au plus un petit emploi dans le comité régional du parti. En même temps que son inscription à l'école du KGB, il devient un héros aux yeux de ses amis et de sa famille. Et sa situation matérielle, son niveau de vie, n'ont plus rien de comparable avec ceux de la population soviétique. À la fin du mois d'août 63, c'est par une matinée pluvieuse qu'Oleg Gordievski se présente au quartier général du KGB. Un ensemble de bâtiments en façade sinistre, situé à deux pas du Kremlin, en plein cœur de la capitale soviétique. Cet endroit, on l'appelle le monastère. Ici, quelque part dans un labyrinthe de couloirs et de pièces, qui fait aussi office de dépôt d'archives et, par le passé, de prison, se concentre et se manigance à toute heure du jour et de la nuit les opérations d'écoute, d'analyse, les manipulations médiatiques, les intimidations, les enlèvements, parfois les abotages, sabotages souvent, et même les assassinats. Pour rejoindre les bureaux de la direction S, où il vient d'être assigné, Gordievski passe par un long couloir dont les fenêtres donnent sur la rue. De l'autre côté, il aperçoit l'entrée d'un palais néo-baroque où s'engouffrent plusieurs véhicules noirs. Cet endroit, c'est la Loubianka, une forteresse dans la forteresse, un bâtiment qui abriterait dans ses sous-sols des salles de torture et des geôles où seraient internés ceux qu'on appelle les ennemis du socialisme. Bien plus tard, ce lieu sera furtivement filmé par une caméra d'antenne 2 en présence de l'un des anciens chefs de département du KGB. Et toujours, bien longtemps après, la culture du secret. Avant, là-bas, c'était quoi? Donc c'était une partie de prison, là-bas. Ouais. Et il y avait combien de cellules? Je sais pas, vous pouvez compter? 9, 18, et de l'autre côté, peut-être la même chose, c'est à peu près 35... Qui, à peu près 40. Qui a été détenu ici comme prisonnier important? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Pour Gordievski, l'excitation des premières semaines laisse vite sa place à l'ennui. Ses formateurs lui avaient fait miroiter des voyages à l'étranger, des opérations sur le terrain, l'aventure, quoi. Au bout du compte, il se retrouve à archiver des notices d'informations sur les espions illégaux en Occident, tout ça dans un bureau quelconque et sous les ordres d'un chef hypocrite, plus préoccupé par sa carrière, ses petits privilèges et les commérages que par sa mission, servir la patrie de Lénine. Car derrière les mythes, Oleg découvre le vrai visage du KGB. Ici, l'égoïsme de rigueur, les conflits personnels et les luttes d'influence l'emportent sur le serment prêté à défendre l'État. Forteresse de médiocrité, où la surveillance interne flirte avec la paranoïa. Les chasses aux sorcières sont quotidiennes. Sur la base d'une simple rumeur, un officier peut être arrêté, interrogé et envoyé en prison. Dans une entrevue réalisée après sa fuite du RSS, un autre agent, Victor Jerzynski, lui-même victime de cette hystérie sécuritaire, affirme que le bras ou l'ombre du KGB imprègne toutes les sphères de la société. Le KGB soutient le parti parce que le parti soutient le KGB. Si le KGB a besoin de soutien moral, c'est le parti qui donne, qui justifie l'existence du KGB et les méthodes du KGB sont justifiées par le parti. La troisième force, c'est l'armée. Et l'armée, elle est infiltrée par le KGB et contrôlée par le KGB. Ce sont les deux forces qui luttent pour le pouvoir. Mais le KGB est le plus fort à ce moment-là. À la fin de l'année 65, après 2 ans au siège du KGB, Oleg Gordievski, désormais marié, débarque à Copenhague pour sa première mission sur le terrain. Sous couvert du passeport diplomatique et d'un poste à l'ambassade du RSS, il travaille, avec la discrétion de rigueur, au service du réseau des espions clandestins en Scandinavie. Ses supérieurs lui demandent aussi de recruter de nouveaux informateurs. Au cœur de la capitale danoise, Gordievski se livre avec panache à ses premières opérations. Il dépose de l'argent ou des messages pour les agents du KGB dans des boîtes aux lettres. Il établit des listes de personnalités possiblement influençables. Mais comme ce fut le cas à Moscou, le jeune homme s'aperçoit vite des dérives de la centrale du renseignement soviétique. Au sein de l'ambassade, en effet, la corruption est endémique. Sur 20 fonctionnaires, la moitié sont des officiers du KGB. Et le constat qu'en tire Gordievski est sévère, chacun à leur niveau et dans leur genre, ils sont d'après lui des voleurs, des incapables, des paresseux, si ce n'est les trois à la fois. Mais ce qui retient davantage son attention, c'est le mode de vie des Danois. Contrairement à ce qu'on lui a martelé durant toute sa jeunesse, les villes à l'ouest ne sont pas les dépotoirs de la consommation, de la drogue et de la prostitution, non. Ici, au Danemark, au contraire, tout est propre, moderne et surtout prospère. Les rues regorgent de jolies voitures et d'immeubles de bureaux intenses, étincelants. Pour Gordievski, c'est un choc des cultures. À Copenhague, il y avait tant de beauté et de musique entraînante, tant d'excellentes écoles et de bons restaurants, tant de gens libres et souriants, que l'Union soviétique me parut à côté n'être qu'un vaste camp de concentration. Un endroit proche de l'enfer. Ce collègue Gordievski ignore, c'est que les services secrets danois le suivent à la trace. Il le soupçonne d'être un espion, ce qui pour un espion, vous en conviendrez, est quand même un problème. De jour comme de nuit, le soviétique est suivi à la trace. Un soir, Gordievski entre dans un sex shop. Il feuillette, puis achète un magazine de pornographie homosexuelle. Persuadé que le soviétique a un faible pour les hommes, les policiers danois vont se fourvoyer dans une opération scabreuse. Grâce à un complice, ils essaient de piéger Gordievski en le prenant en photo, à son insu, dans une situation disons compromettante. Le but étant de le faire chanter et de l'obliger à partager des informations sur les activités illégales de l'ambassade du RSS à Copenhague. Montée à la hâte, la tentative se solde par un échec. Gordievski n'est pas homosexuel, il est juste entré là, dans cette boutique, par simple curiosité. Rocambolesque, à plus d'un titre, l'épisode témoigne malgré tout de l'intérêt que certains lui portent déjà au Danemark. À la la représentation diplomatique soviétique de Copenhague, les mois puis les années passent. À l'été 1968, Gordievski continue de s'acquitter de ses tâches consulaires et poursuit en parallèle les différentes missions clandestines qu'on lui confie. Sur le plan professionnel, disons qu'il stagne. Sur le plan personnel, il ne s'entend plus avec sa femme. Le contexte est donc sensible lorsque survient un événement qui fait la une de l'actualité internationale. Tout de suite, un flash de dernière minute. Les chars soviétiques sont à Prague. Apparemment, ils ont été débarqués par avion, car ils n'ont cessé pendant toute la nuit d'affluer de l'aéroport. 25 chars encerclent le bâtiment où est réuni le comité central du Parti communiste tchécoslovaque. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, 2000 chars d'assaut et plus de 200 000 soldats du pacte de Varsovie franchissent la frontière tchèque. Au petit matin, Prague, la capitale, est occupée. Le gouvernement est renversé. À l'unanimité, les dirigeants des pays occidentaux condamnent ce coup de force. À Moscou, le numéro 1 soviétique, Léonid Brejnev, affirme que c'est à la demande même des autorités tchécoslovaques que l'armée rouge est intervenue afin, dit-il, de rétablir l'ordre et la sécurité partout dans le pays. À Copenhague, plusieurs centaines de personnes en colère se massent devant les grilles de l'ambassade d'Union soviétique. De sa fenêtre, Oleg Gordievski assiste impuissant à ce spectacle. Voilà plusieurs semaines qu'il suit avec passion et à distance ce printemps de liberté en Tchécoslovaquie. Il est même admiratif du combat et du courage des Tchèques pour gagner leur liberté. Or, Moscou intervient. Dégoûté, Gordievski prend son téléphone et appelle sa femme. Comment ont-ils osé? Comment ont-ils pu faire une chose pareille? C'est incroyable. Ils ont tué l'espoir de tous ces gens. Loin d'être anodin et seulement familial, le coup de téléphone de Gordievski est en réalité un message à peine voilé à destination des services de renseignement de l'Ouest. L'espion soviétique est persuadé que sa ligne est placée sur écoute et que les services secrets danois vont entendre ses propos subversifs. Pourtant, à sa grande surprise, personne ne va réagir. Deux ans plus tard, en janvier 70, Gordievski arrive au terme de sa mission et rentre à Moscou. Fini la liberté et la culture occidentale. L'Union soviétique qu'il retrouve est encore plus répressive, plus paranoïaque et plus terne que celle qu'il avait quittée. L'orthodoxie communiste à la Brejnev a transformé la capitale soviétique en une ville miteuse. Et le KGB, lui, passe plus de temps à terroriser la population qu'à la protéger. Gordievski comprend alors que son avenir n'est plus à l'est du rideau de fer. Ce qui veut dire qu'il est à l'ouest. Il décide donc d'apprendre l'anglais dans l'espoir d'être un jour affecté dans l'ambassade du RSS d'un pays du Commonwealth. Dans les mois qui suivent, le destin s'en mêle. Son frère Vassili, lui aussi agent du KGB, meurt. Gordievski exploite ce contexte pour demander une faveur à ses supérieurs. Il souhaite un poste à l'étranger. Bien, son dossier est accepté. Il est renvoyé à Copenhague. Mais ce que Gordievski ignore, c'est qu'en coulisses, sa deuxième demande de visa diplomatique a éveillé les soupçons du contre-espionnage danois. Ces derniers ont prévenu leur grand allié, le MI6, les services secrets britanniques. There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty many faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say, don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Only got a number, secret agent man, they've taken away your name. Secret agent, secret agent, he is a spy, secret agent, bleeding in a Bombay alley. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Première réaction officielle ce matin des Soviétiques après la décision britannique d'expulser 105 diplomates et fonctionnaires soviétiques de Grande-Bretagne pour espionnage. Copenhague, printemps 72. Oleg Gordievski, élevé au rang de commandant dans la hiérarchie KGBiste, remarié et père de deux petites filles, est de retour dans la capitale danoise. Mais cette fois, le contexte diplomatique est différent. Quelques semaines plus tôt, en effet, le Royaume-Uni a expulsé la quasi-totalité du personnel de l'ambassade d'Union soviétique à Londres. Gordievski sait que les faits et gestes de toutes les délégations du RSS dans le monde sont maintenant scrutés. C'est dans ce climat que le MI6 lance l'opération Sunbeam, en français Rayon de Soleil. L'objectif, approcher Gordievski, le tester et tenter de le recruter. Le retourner, quoi. Pour ne pas éveiller les soupçons, les Anglais utilisent l'un de ses anciens amis d'université, un Tchèque, qui s'est réfugié à l'Ouest. Cet individu vient sonner un soir chez les époux Gordievski. L'échange qui suit est cordial. Au cours de leur discussion, le soviétique exprime ouvertement toute son animosité à l'égard de la politique de Moscou. Pour autant, Gordievski serait-il prêt à travailler pour l'Ouest ? Pour en avoir le cœur net, le MI6 envoie l'un de ses meilleurs agents. Celui-ci vient le cueillir à la sortie d'un gymnase. Gordievski accepte un déjeuner. D'autres rencontres suivent. Les sous-entendus du départ laissent place alors à des propos plus directs. Des paroles qui annoncent le début d'une collaboration entre l'agent du KGB et les services secrets britanniques. Dans une lettre qu'il écrit en 1974 et qui aurait vocation à être son testament s'il était assassiné, Gordievski justifie sa décision de travailler pour les services secrets britanniques. Ma décision n'est pas due à de l'irresponsabilité ou de l'instabilité. Elle est le résultat d'un long combat, de douloureuses réflexions et de profondes désillusions devant l'évolution de la situation en Union soviétique. Le régime actuel à Moscou est l'antithèse de la démocratie à un point que les Occidentaux ne peuvent pas saisir. Je veux agir pour que l'esclavage n'empiète pas davantage sur la liberté. Adjoint du chef du KGB à l'ambassade du RSS à Copenhague, Oleg Gordievski a accès à une foule d'informations confidentielles. Mieux, il peut visionner les bandes de microfilms sur lesquelles circulent les consignes venues de Moscou. Très vite, Gordievski livre aux Britanniques les noms de la quasi-totalité des officiers du KGB sous couverture en Scandinavie. À cela s'ajoute une autre liste, celle des informateurs rémunérés par les services secrets soviétiques. Et parmi ceux-là, il y a le fils d'un ministre norvégien. À chaque rencontre avec son agent de liaison, Gordievsky offre des informations de première main. À chaque rencontre également, il sait qu'il joue gros et que s'il venait à être découvert, il serait kidnappé par les sbires du KGB et renvoyé à Moscou, où la suite des événements serait pour lui hautement dramatique, le goulag ou la mort. Ce qui est souvent la même chose, c'est juste une question de date. Après 8 longues années à jouer l'agent double, Gordievsky termine sa mission et retourne à Moscou à l'été 80. Dès lors, le MI6 perd tout contact avec lui, au point que les Anglais vont considérer un temps qu'il faut désactiver l'opération Sandbeam. Or, 2 ans plus tard, au cours de l'année 82, les services du ministère des Affaires étrangères britannique à Londres vont recevoir une étonnante demande de visa diplomatique pour un fonctionnaire soviétique, un certain Oleg Gordievsky. À l'automne 82, le président des États-Unis, Ronald Reagan, hausse le ton vis-à-vis de l'Union soviétique. Profondément anticommuniste, le locataire de la Maison-Blanche annonce le lancement de nouveaux programmes militaires. Des mesures qui doivent, dit-il, assurer le renforcement de la puissance américaine et sa suprématie dans les airs, sur les mers et sur terre. À Moscou, cette déclaration fait figure de provocation et c'est la preuve qu'il manquait au secrétaire général du Parti communiste, Yuri Andropov, pour justifier de grandes manœuvres de l'armée rouge dans la Baltique et dans l'Arctique. Voilà, c'est dans ce climat qu'Oleg Gordievsky débarque à Londres. Premier constat, l'ambiance à l'ambassade du RSS frise la folie. Le chef de poste du KGB, convaincu que le bâtiment diplomatique est la cible d'une gigantesque mise sur écoute. Conséquence, les machines à écrire sont interdites de peur d'être entendues ou déchiffrées. Des affiches sur les portes proclament pas de nom ni de date à haute voix. Les fenêtres sont murées. Enfin, les conversations secrètes se tiennent dans une pièce au sous-sol. Gordievsky reprend contact avec le MI6. Les premières rencontres ont lieu dans une planque discrète en banlieue de Londres. Face à ses correspondants, il explique que ces 2 années passées à Moscou lui ont permis de mieux comprendre l'organisation du KGB. Contrairement à l'image qu'il renvoie, dit Gordievsky, le service n'est plus que l'ombre de lui-même. L'inefficacité, la désorganisation règnent. Pire, le service de renseignement de l'URSS est gangréné par des opportunistes sans grande imagination. Sur le terrain, enfin, seule une poignée d'agents serait toujours actif en Europe de l'Ouest. Mais il y a beaucoup plus grave. Toujours d'après Gordievsky, un vent de paranoïa souffle sur le Kremlin et il a contaminé avec lui le KGB. Les dirigeants communistes ont mis le pied dans un engrenage infernal. Gordievsky en veut pour preuve l'extravagante opération lancée quelques mois plus tôt et qui répond au nom de code Ryan. Il s'agit d'un programme d'espionnage titanesque. Né de l'imaginaire enfiévré de Yuri Andropov, ancien chef du KGB et successeur de Brejnev au Kremlin, ce projet part de la théorie que les États-Unis vont tenter de détruire l'Union soviétique. Pour confirmer ses dires, Gordievsky tend aux agents du MI6 un télégramme top secret qu'il a récupéré à l'ambassade. Sur décision du chef de la direction centrale, tous les officiers du KGB en poste à l'étranger ont pour consigne prioritaire d'œuvrer à la mission opérationnelle Ryan. Dans la plus grande discrétion, chaque agent doit surveiller les décideurs en matière atomique des pays de l'OTAN et tenter de déceler les signes d'une attaque de missiles nucléaires contre l'Union soviétique. À Moscou, les officiers les plus expérimentés du KGB savent pertinemment que les États-Unis ne s'engageront jamais vers une guerre nucléaire à moins d'en être contraints et forcés. Mais dans l'univers du renseignement soviétique, la paranoïa est contagieuse. Et comme l'obéissance prime sur le bon sens, eh bien, au fil des semaines, la situation se tend et on va même frôler la catastrophe. Au mois de novembre 1983, l'OTAN organise un exercice d'entraînement de lancement de missiles nucléaires. L'URSS réagit et place ses silos de missiles balistiques intercontinentaux en état d'alerte. Conscient du danger, les Britanniques transmettent des informations de Gordievsky sur le programme Ryan à la CIA. Celle-ci avertit à son tour le président Reagan. Washington prend alors conscience que la moindre manœuvre agressive pourrait être interprétée par le Kremlin et ses dirigeants comme une déclaration de guerre et donc déboucher sur un troisième conflit mondial. En coulisses, Ronald Reagan va donc calmer le jeu. Le président américain va même jusqu'à mettre en sourdine son surprenant projet de guerre des étoiles afin, dit-on au département d'État, de ne pas nourrir davantage la folie des dirigeants communistes. Au début de l'année 85, grâce à l'aide du MI6 qui réunit pour lui des documents secrets mais sans conséquence, Gordievski offre à ses chefs soviétiques des informations inédites sur la stratégie militaire et politique des Britanniques. Des succès qui lui permet d'attirer l'attention de la direction centrale du KGB à Moscou et, de fait, d'écarter un à un ses rivaux pour finir par être nommé « resident », c'est-à-dire chef de section du KGB en Grande-Bretagne. Un poste clé. C'est même le plus stratégique dans la hiérarchie KGBiste en Europe. Pour les services secrets britanniques, avec l'échelon double, Gordievski, c'est l'espoir d'avoir accès à des informations inespérées. Au printemps, l'opération Sunbeam semble donc se poursuivre sans anicroche. Mais quelques semaines plus tard, à la mi-mai, l'ambassade du RSS à Londres reçoit un télégramme classé urgent. Lorsque Gordievski le lit, il est pris de sueur froide. Le ton du message, à la fois péremptoire et poli, lui paraît inquiétant. En quelques lignes, on lui ordonne de rentrer sous 48 heures à Moscou, où d'importantes discussions doivent avoir lieu au sujet de sa nomination au poste de resident à Londres. Le message est signé du directeur du KGB en personne. Certes, depuis sa prise de fonction, Gordievski n'a pas été jusqu'ici intronisé officiellement par ses chefs, comme le veut la règle, mais pourquoi cette urgence à organiser une réunion? D'ordinaire, les chefs de poste du KGB à l'étranger sont prévenus plusieurs semaines à l'avance de tout déplacement en Union soviétique. Lorsqu'il repose le message sur son bureau, l'espion soviétique tente de se calmer. Si le KGB le soupçonnait de trahison, après tout, il ne lui donnerait pas deux jours de battement, il le rappellerait immédiatement. Ou pire, il enverrait des agents du 8e département, spécialistes de kidnapping, pour le ramener de force. Pourtant, ce message est étrange à plus d'un titre. Après en avoir alerté le MI6, conscient que s'il ne rentrait pas, il serait découvert, Gordievski décide de tenter le tout pour le tout et de se rendre à la convocation de ses chefs. Le 19 mai 1985, à 16h, l'agent double embrasse sa femme et ses deux filles, puis prend place à bord du vol d'Aéroflot à destination de Moscou. Entre ses mains, il tient le livre des sonnets de Shakespeare que lui avait remis son contact. Lorsque les portes de la cabine se referment, Gordievski est soudain pris de terribles appréhensions. Reviendra-t-il un jour en Grande-Bretagne ou a-t-il pris place pour un aller simple vers les geôles d'Union soviétique? Still here. Oh, but I Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'opération Sunbeam avec notre invité Sergueï Girnov. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique, vous avez espionné le continent américain et la France avant de venir vous réfugier ici au début des années 2000. Dans votre livre intitulé « Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion » paru aux éditions Corpus Delicti, vous revenez sur votre recrutement, vos opérations, les opérations clandestines du KGB, la vie d'espion. Alors c'est vrai qu'il est rare en France et ailleurs, j'imagine, d'entendre la parole d'un ancien espion. Alors, déjà, dans quel service de renseignement de l'URSS, dans le KGB, avez-vous travaillé? Parce que le KGB, c'est grand, hein, il y a beaucoup de branches. C'est énorme. Le KGB, c'est un énorme monstre qui regroupait la première direction générale, qui est le service d'espionnage. Mais même au sein de cette première direction générale, c'est plusieurs services. Moi, je travaillais dans la direction S, et c'est là où notre parcours avec Oleg Gordievski s'est croisé. Même si on a 23 ans de différence d'âge, il aurait pu être mon père. Hein. Donc, il m'a précédé très longtemps en avance. Oui, parce que vous avez une voix jeune. Donc moi j'ai travaillé... Vous êtes jeune, vous avez une voix jeune en tout cas. J'ai 58 ans. Ah, oui, vous êtes jeune. 58 ans, on est jeune. Lui, maintenant. Il a 80 ans. C'est un peu moins d'ailleurs, jeune, il vous passe son bonjour. Je l'ai eu hier au téléphone, donc je l'ai prévenu que aujourd'hui sur France Inter, il y avait une émission qui était consacrée à son histoire. Mais tu vois, ma vie a changé, me voilà copain avec deux espions. Ça, je pensais pas que ça arriverait un jour. Deux anciens. Quelle était votre mission une fois en France, Sergueï? Donc moi je travaillais pour la direction S, et la direction la plus secrète du KGB, c'est la direction qui s'occupait de ce qu'on appelle les illégaux. C'est pas parce que les autres étaient légaux, hein, c'est juste du jargon de l'espionnage. Les légaux, c'est ceux qui étaient avec l'étiquette de l'Union soviétique sous la couverture diplomatique des ambassades, des missions culturelles, consulaires, économiques et autres, ou journalistiques. Il y avait beaucoup de journalistes qui travaillaient pour le KGB. Donc ça, c'était les légaux. C'était le début de carrière de Gordievski. Mmh. Et moi, je travaillais pour les illégaux, ceux qui se faisaient passer pour les étrangers. D'où d'ailleurs l'absence d'accent russe, contrairement à Vladimir Fedorovski, qui parle avec un grand accent russe, oui, toujours dans les médias français. Il le cultive, d'ailleurs. Vous comprenez. Alors dites-moi, le KGB, on en avait évidemment une image un peu, même complètement effrayante, hein, d'un régime totalitaire, mais c'est la même chose pour la Stasi, mais c'était même la même chose pour d'autres services secrets ailleurs, dans tout pays totalitaire. Est-ce que la situation était encore pire que ce qu'on imaginait, finalement ? Ça dépend des années. Mmh. Sous Staline, c'était largement pire. Sous Staline, c'était le KGB, enfin la NKVD, c'était un organisme qui terrifiait non seulement le monde, mais aussi et surtout d'abord le pays. Mmh. Et Staline, on dit qu'il a exterminé avec l'aide de cet organisme, il a exterminé plus de communistes et de soviétiques que Hitler. C'est pour vous donner un peu l'idée. Les pertes pendant la Deuxième Guerre mondiale chez les soviétiques, c'est 25 millions. Donc Staline, on annonce un chiffre entre 40 et 60 millions. Mais quand Gordievski rentre au KGB en 1962, c'est l'époque khrouchtchevienne. Donc Khrouchtchev a remplacé Staline. Staline est mort en 53. Khrouchtchev est resté au pouvoir jusqu'à 64. Et Khrouchtchev détestait la NKVD et détestait le KGB. Donc il a tout fait pendant 10 ans pour démanteler cette machine. Donc il a drastiquement coupé les finances de KGB, les effectifs de KGB. Et donc quand Gordievski rentre au KGB, c'est une machine qui n'est pas aussi puissante qu'elle puisse paraître. Et après, cette machine a repris du poil de la bête à partir de 1967. Quand Brejnev arrive au pouvoir en 64, il fait le coup d'État contre Khrouchtchev, et en 67, il nomme au KGB, à la tête du KGB, Andropov. Alors ça, c'est intéressant. Andropov a changé. Oui, c'est intéressant parce que effectivement, il est chef du KGB, il devient numéro un soviétique. Gorbatchev va devenir l'un de ses poulains. C'est un homme qui paraissait inquiétant, oui, comme ça, mais qui en fait était un libéral. C'était un libéral, c'est quelqu'un qui détestait la vodka, qui adorait le whisky, qui détestait la musique folklorique russe, qui adorait le jazz. Et c'est quelqu'un qui parlait l'anglais couramment. C'est quelqu'un qui a travaillé longtemps comme secrétaire du parti, s'occupant des relations avec les partis socialistes, les partis frères. Donc c'était quelqu'un qui était très ouvert à l'extérieur. Et en même temps, c'était un pur et dur parce qu'il croyait au communisme. En fait, Khrouchtchev et Andropov, c'était les derniers qui croyaient. Brejnev n'y croyait pas du tout. C'était un petit bourgeois qui a fait sa révolution petite bourgeoise à partir de 1964. Mais justement, parce qu'il était petit bourgeois, il avait besoin de quelqu'un à la tête du KGB qui devait faire régner la terreur. Mmh. Et donc, Andropov, quand il arrive à la tête du KGB, il double quasiment les effectifs du KGB en 3-4 ans. Et là, le KGB redevient le même monstre que sous Staline, mais avec la différence. Ça veut dire que le goulag n'existait plus. Il n'y avait plus les camps de concentration en Sibérie, on n'envoyait plus personne là-bas. En fait, Andropov, il avait une vision très particulière. Pour lui, une personne normalement constituée ne pouvait pas ne croire en communisme. Donc pour lui, quelqu'un qui ne croyait pas en communisme, c'était juste un malade. Donc ils envoyaient plutôt les gens dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà. Sergueï Tchernov, très bien, je reviens maintenant au KGB. Est-ce que c'était une centrale d'espionnage compétente? Parce que on peut faire peur sans être forcément compétent. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'actions ratées? Que valait vraiment le KGB? Le KGB, c'était d'un côté un organisme assez compétent puisqu'il faisait un choix. Donc c'était dur de rentrer dans le KGB. C'était de plus en plus dur de rentrer aussi dans le service d'espionnage. Il faut bien le préciser que le KGB, donc dans le meilleur de l'époque d'Andropov, c'est 420 000 hommes, dont la moitié les gardes frontières. Et l'espionnage représente que entre 12 et 15 000 hommes. Donc l'espionnage, c'est une petite histoire dans le KGB. Le KGB, c'est d'abord et avant tout pour contrôler le pays. Donc c'est la police politique, c'est le contre-espionnage, en fait c'est la paranoïa parce qu'ils croyaient que le monde entier voulait l'Union soviétique. Et vous avez très très bien raconté cette histoire de la Troisième Guerre mondiale qui a failli se déclencher en 1983. Et nous, quand on était dedans, en fait on était considérés comme le bras armé du Parti communiste et on était sur le front de guerre quand on nous envoyait à l'étranger. Alors, il y avait un talon d'Achille, dont on parle pas souvent, d'ailleurs, concernant le KGB, vous allez comprendre. On va écouter une première archive. Nous sommes en 1991, Gordievski revient sur les raisons qui l'ont poussé à changer de camp et à travailler pour l'Ouest. J'avais 20-21 ans lorsque j'ai arrêté d'y croire. Et c'est plus tard, vers 30-40 ans, que j'ai commencé petit à petit à coopérer avec l'Ouest. Et donc, il découvre l'Ouest, il découvre un mode de vie, et à travers l'Ouest, c'est le mode de vie inverse et sombre, finalement, de l'URSS et du bloc de l'Est qui lui revient en pleine face, finalement. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup, comme ça, d'espions du KGB qui se sont dit, mais finalement, je me suis trompé de camp. À voir ce que je vois en Occident, je me suis trompé de camp. Moi, j'ose dire que c'était la moitié des effectifs, sinon tout le monde. Mmh. Parce que justement, le service d'espionnage, c'est un service complètement schizophrénique. Parce que d'un côté, on exigeait de nous être les vrais communistes, les purs et durs croyants. Et vous avez cité la caractéristique de Gordievski comme un pur communiste qui se présentait et qui était impatient d'aller sur le front de la guerre idéologique. Et en même temps, lorsqu'on se retrouvait sur ce front de la guerre idéologique, on était en face de nous des personnes intelligentes. Déjà, on se rendait compte que tout ce qu'on nous racontait à l'intérieur du pays sur le capitalisme, ça correspondait absolument pas à la réalité. On voyait les gens normaux qui ne marchaient pas les bras armés, qui ne croyaient pas tout le temps, qui ne pensaient pas à détruire l'Union soviétique. Donc ça, c'est les balivernes. Et du coup, on découvrait des choses et c'était un choc pour plusieurs personnes, dont moi aussi, j'étais choqué. Mais moi, j'ai découvert ça même avant Gordievski, et à la limite, il y a même une petite anecdote. Vous savez que moi, j'ai commencé à écouter France Inter et Radio France Internationale à Moscou avec un poste, un nom de courte, depuis la Silicon Valley soviétique qui était Zelenograd, la ville fermée soviétique. Et si je me suis retrouvé dans le service d'espionnage, c'est à cause de vous. parce que moi je vous écoutais et donc j'ai pété les plombs à un moment donné, j'ai envoyé un télégramme international pour participer à un concours linguistique, ce que je raconte dans mon livre de RFI, et le KGB a lancé une poursuite contre moi, et en fait après ils m'ont trouvé assez rapidement, ils m'ont proposé pour de travailler pour eux. Mais cette remise en cause en fait du communisme, des dogmes de communisme qu'on nous enseignait dans les universités, dans les écoles, etc., ça se passait très très rapidement pour les gens qui travaillaient à l'étranger. Parce que si vous aviez un discours pur et dur, ben personne ne vous écouterait en Occident. On dirait que c'est quelqu'un, c'est même pas la peine de discuter avec cette personne. Mmh. Donc du coup, on vous autorisait à critiquer, à avoir un regard critique, à exprimer ses critiques. Et donc du coup, le service d'espionnage, vous savez, il a fabriqué le plus de traîtres que tous les autres services soviétiques. On peut facilement citer entre le GRU et le KGB une centaine de personnes qui ont trahi. Donc c'est une échelle de masse quand même. Sergueï Gernov, est-ce que vous avez eu peur parfois de vos propres patrons, de votre employeur, si j'ose dire? Ah ça oui, surtout le dernier, hein. Kouchkov, donc moi quand j'étais dedans, lui il se jouait pur et dur. En 1988 il devient le président du KGB et donc il rentre au bureau politique du Parti communiste, donc mm-hmm. il devient un des plus grands personnages du Parti communiste de l'État, et Gorbatchev poursuit sa perestroïka, donc il ouvre les frontières, il y a la démocratisation, il veut instaurer la paix avec le monde occidental, et pour Khrouchtchev c'est la mort, parce que il faut bien comprendre que le système de KGB ne peut fonctionner que s'il y a un mur, s'il y a un mur de fer entre les deux mondes, et s'il y a une guerre entre les deux mondes, parce que dans un monde sans guerre, dans un monde de paix, le KGB n'a pas sa place. Khrouchtchev, en fait, moi j'ai fait de mon côté tout possible pour dire que voilà, les Occidentaux étaient ravis de la nouvelle politique de Gorbatchev, et le retour que j'avais, c'est que Khrouchtchev il aimait pas ça du tout. En fait, lui il croyait que il fallait revenir à la guerre froide, et d'ailleurs il a participé à la tentative de putsch contre Gorbatchev en 1991 au mois d'août, lorsque moi je partais faire ma mission à l'ENA en France. Est-ce que vous avez été un espion heureux en France? Je sais pas si on peut poser la question comme ça. Oui. Moi j'étais très heureux. C'est quoi un espion heureux en France? Un espion heureux en France, c'est un espion qui n'a pas de supérieur, qui est sur le terrain, qui a toute la liberté de faire ce qu'il veut, et à la limite, même moi je me suis retrouvé, parce qu'en fait j'ai négocié une certaine liberté. Moi je travaillais dans le département numéro 4 de la direction Est, donc normalement mon domaine de prédilection c'est le continent américain, latino-américain, mais je me suis fait détacher pour la France, et donc j'avais la carte blanche, donc je pouvais faire ce que je voulais. Et une fois arrivé en France, donc en 1991, suite à ce putsch raté de Khrouchtchev et d'autres purs et durs du parti, le KGB a été interdit, le Parti communiste interdit, le KGB dissous, et en décembre 1991, l'Union soviétique s'écroule. Et moi, je me retrouve sur le terrain sans l'organisme qui m'a envoyé, sans le parti à qui j'ai prêté serment, et sans le pays pour lequel je travaillais. Et donc j'étais l'espion heureux, parce que je pouvais faire ce que je voulais. Bien. Des alertes parfois quand même? Des moments de stress, des ou de alertes, peur? Je vous fais entrer dans le film, hein, parce que pour nous, c'est évidemment, non, c'est aussi très du peu. Film. Hein. Très, très... Pardon, allez-y. Très peu, parce que en réalité, on se fait, c'est beaucoup le monde de mythes. Donc le monde d'espionnage réel, c'est pas les James Bond. Hein. Donc en fait, ce qu'on nous apprenait, c'est pas du tout de tirer. Enfin, on a tiré, hein, on avait des armes, on avait les cartes sur lesquelles c'était marqué, on avait le droit de porter les armes. Mais le but n'était pas ça. On était des intellectuels, on était là pour comprendre les raisons géopolitiques et géostratégiques de fonctionnement du monde, et on était plus les journalistes comme vous, ou comme Mediapart, ou comme Canard Enchaîné, que les James Bond. Alors, parmi toutes les affaires d'espionnage, il y en a une que nous connaissons bien en France et à laquelle on avait consacré une émission d'affaires sensibles. Bien sûr, c'est le dossier Farwell, nom de code d'une opération de la DST, donc le service de contre-espionnage français à l'époque, lié à un agent soviétique, Vladimir Vetrov, en poste au service d'espionnage technologique. Il avait accès, ce monsieur-là, à une multitude d'informations qu'il transmettait ensuite à son contact français dans un parc de Moscou, et c'est passé notamment par François Mitterrand, qui a offert ce cadeau énorme au président américain, Ronald Reagan. Une énorme affaire. Est-ce que vous pensez que c'est la plus grosse affaire, Farwell, d'espionnage avec le KGB de toute la guerre froide? Peut-être pas de toute la guerre froide, mais pour la France, c'est certainement la plus grosse affaire, et une des plus grosses affaires en général, parce que à la limite, Vetrov, il a fourni beaucoup plus d'informations, 10 fois plus ou 20 fois plus d'informations que Gordievsky, parce que Vetrov, en fait, c'était quelqu'un qui était un alcoolique à la fin, c'était un francophile et francophone, et à un moment donné, on lui a interdit, en fait, de quitter le pays. Il se saoulait la gueule au Canada, donc il est expulsé du Canada, et on l'a mis dans un placard. Mais ce placard, c'était les archives. Donc en fait, dans le service d'espionnage, c'est un service qui fonctionne comme un sous-marin, c'est un service qui est très compartimenté, et normalement, un agent, c'est peu de choses. Et donc, quand il passe à l'Occident, il peut raconter très peu de choses. Vetrov, il s'est retrouvé dans les archives, et avec personne pour le contrôler. Donc du coup, il avait toute la richesse des archives du KGB à copier, personne ne le contrôler, et donc du coup il a sorti des tonnes et des tonnes de documents, et le seul qu'il a dépassé, c'est Vassili Mitrokhin, qui a fait encore mieux, parce que lui, il a délivré aux Anglais après la chute de l'Union soviétique, je sais pas, si mal de petites fiches qu'il a recopiées dans les archives du KGB. Mais l'affaire Farwell, c'est une grosse affaire. D'ailleurs, Ronald Reagan, quand Mitterrand lui a présenté la première fois cette affaire, là, il n'a rien compris, hein. Il a fallu que Mitterrand, avec ses services d'espionnage et de contre-espionnage, recontacte le vice-président qui, à l'époque, était George Bush, qui était l'ancien directeur de la CIA, et lui, il a compris la portée de cette affaire. Est-ce que, très sincèrement, hein, vraiment très sincèrement, puisque vous réfléchissiez beaucoup, vous étiez plus à la limite dans la réflexion que dans l'action, est-ce que vous avez senti venir la chute de l'URSS, la chute d'un système, la chute d'une idée? Oui et non. On sentait venir la chose, mais personne ne pouvait prévoir que ça allait s'écrouler comme ça d'un coup, et surtout personne ne pouvait prévoir que personne parmi nous, les combattants qui devaient normalement défendre ce régime, ne réagiraient pas. Moi, oui. J'étais en France, à la limite, j'ai rien à me reprocher, j'étais sur le terrain, je pouvais pas prendre ma Kalachnikov et aller me présenter à l'ambassade de l'Union soviétique en disant, voilà, je vais fusiller Gorbatchev, je veux que le communisme revienne. Oui. Mais en revanche, par exemple, Poutine qui était à Leningrad, lui, il n'a rien foutu. Hein. Il n'a pas pris son arme, il n'a pas sorti dans la rue. Oui. Pardon, je vais vous couper, mais avec moins de problèmes de conscience que d'habitude, ouais. Parce que vendredi à 7h-là, vous serez encore avec moi, vous serez encore avec nous. J'espère. Hein, mais c'est un engagement, vous serez là, un engagement de notre part aussi. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour découvrir la suite des aventures d'Oleg Gordievsky. Je vous ai entendu le prononcer, maintenant je le prononcerai bien, et poursuivre avec vous cette entrevue dans les coulisses du KGB. Ce sera Jeu d'espion, deuxième partie, intitulée Fuir l'URSS, vendredi prochain, même endroit, même heure, dans Affaires Sensibles. C'était donc Affaires Sensibles aujourd'hui, histoire d'espion numéro 1, épisode 1, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Mais attendez, vendredi prochain, à la limite, vous écouterez les deux en même temps. Le podcast, c'est ma radio quand je veux, où je veux et pendant le temps que je veux. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes vendredi, je remercie toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Guillaume Malandras, Jean Bulot, Adrien Cara, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyenne, Hélène Bizio, Benjamin Riquet et Jérôme Chélius.